Ce jour n'arrive, tu le savais dans ta préscience. Père, venons comme de l'argile nous placer simplement entre tes mains. Fais de nous des instruments pour ta gloire. Fais de nous, Seigneur, des instruments qui vont manifester ta présence. Fais de nous, Seigneur, des instruments d'adoration. Des hommes et des femmes que tu vas utiliser dans cette génération pour secouer leur époque, bouleverser leur temps. Comme au temps des apôtres qui ont dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Cela n'est possible que entre les mains du divin potier et par ta grâce. Accorde-nous ta grâce ce soir. Accorde-nous l'onction nécessaire. Prêchez ta parole avec force, vie, autorité, gloire, puissance. Je demande l'inspiration qui vient de toi. Je demande ta sagesse et ton intelligence, le discernement spirituel. Que ta gloire remplisse ce lieu au nom merveilleux, glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Nous disons amen, amen, amen. Gloire à notre Dieu. Merci à la chorale. Merci au couple pastoral. Pasteur Eston, Maman Rosette, merci à toute l'équipe pastorale également et tous les comités. Merci à toute l'église d'être là et j'ose croire que hier le Seigneur nous a fait du bien. Nous sommes dans cette conférence sur le changement où Dieu veut nous amener d'une dimension inférieure à une dimension supérieure, à une dimension élevée. Je voudrais prendre mon temps, aller progressivement selon l'ordre d'idées que le Saint-Esprit est en train de nous communiquer afin que à la fin que nous puissions aboutir, comme je le disais hier, à quelque chose de grand et de glorieux. Notre grand thème s'intitule « Entre les mains du divin potier ». Et le sous-thème que Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous cet après-midi, c'est « L'argile, un instrument choisi par Dieu ». Voici notre sous-thème. « L'argile, un instrument choisi par Dieu ». Alors, nous allons lire trois textes rapidement dans les Écritures. Le premier se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 7. Ensuite, nous lirons Psaume, chapitre 89, le verset 21 au verset 28. Et enfin, nous lirons Actes, chapitre 9, le verset 15 au verset 16. Genèse, chapitre 2, le verset 7 nous dit ceci. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Psaume au chapitre 89, à partir du verset 21. Il est écrit ceci. Psaume 89, le verset 21 au verset 28, il est dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Je craserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force se levera par mon nom. Et je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Et lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Amen. Et le dernier texte, Actes chapitre 9. Le verset 15 au verset 16. Mais le Seigneur lui dit, en parlant de Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Bien. Hier, nous avons parlé de la parole de Dieu dans le livre de Jérémie au chapitre 18, le verset 1er au verset 6, où Dieu demandait à son serviteur, le prophète, de descendre dans la maison du potier. Et là, il devait lui faire entendre ses paroles. Et Jérémie va obéir à cette recommandation divine et se retrouve dans la maison du potier. Et là, il voit le potier qui était en train de travailler sur le tour et il avait façonné un premier vase, mais malheureusement, ce vase n'avait point réussi et il a cassé le même vase, il a brisé ce vase pour en faire un deuxième, c'est-à-dire un deuxième vase, mais le deuxième qui réussit. Et nous avons vu qu'il y avait deux images majeures que Dieu voulait montrer à Jérémie le prophète concernant son peuple et concernant un peu la manière dont Dieu voit, conçoit les choses, la manière dont Dieu fonctionne, la manière dont Dieu travaille. Et la première des choses que nous avons vues hier, on a vu qu'il y avait un potier qui travaillait sur le tour. On a parlé du potier, du divin potier, on a parlé de lui en long et en large, sachant que c'est lui qui est Dieu, qui est le potier. Et la deuxième image que nous voulons voir aujourd'hui, que Jérémie a vue dans la maison du potier, il a vu le vase. Et ce vase était constitué à partir de matériaux qu'on appelle l'argile. Et Dieu, qui est le divin potier, avait une vision, ou il a une vision, il a des rêves, il a des projets pour l'argile, pour les vases qu'il veut créer, qu'il veut confectionner à sa gloire. Il veut donner une forme. Il veut choisir de l'argile et travailler cette argile afin de donner à cette argile une forme. N'est pas n'importe quelle forme, mais la bonne forme. J'aimerais que tu regardes ton voisin, que tu lui dises, hier tu étais informé vide, aujourd'hui tu auras une forme. Bon, j'ai l'impression qu'il ne te croit pas. J'aimerais que tu te tournes vers l'autre voisin, parce que l'autre là, il ne te parle pas bien. Tourne-toi vers l'autre, dis-lui, hier tu étais informe et vide, maintenant il veut te donner une nouvelle forme. Et j'aimerais parler justement de cette argile-là. Cette argile qu'il va prendre, mais il ne va pas le laisser dans cet état, mais il le prend pour un but, pour que cette argile devienne un instrument de son choix. Alléluia. Alléluia. Et c'est quoi l'argile? Cette argile dont il est question, c'est un matériau. L'argile, c'est un matériau qui est tiré de la roche. L'argile dans la main du potier n'est pas dans la vision du potier appelé à rester argile, mais l'argile dans la main du potier est appelée à changer, à connaître une métamorphose, une transformation, un changement pour qu'il devienne un instrument de Dieu. Un instrument qui va posséder des qualités et des vertus de Dieu. Un instrument qui sera utile entre les mains de Dieu. Et un instrument qui va confondre le monde, qui va confondre Satan, qui va confondre les démons. Un instrument qui va emmener la gloire de Dieu sur la terre. Et autre chose que j'ai noté, la forme que l'argile va prendre ne dépend pas de l'argile elle-même. C'est Dieu en tant que divin potier qui donne à l'argile la forme selon que lui-même le veut. C'est-à-dire, ce que tu dois devenir, ce n'est pas par rapport à ce que toi-même tu penses, ou encore par rapport à ce que les autres pensent pour toi. Je me rappelle lorsqu'on était enfant, souvent nos parents nous disaient, toi je te vois bien devenir médecin, toi je te vois bien devenir avocat. Mais ça, ce sont les pensées des potiers parents. Mais Dieu, les parents peuvent te voir médecin, mais Dieu te voit grand serviteur de Dieu, grande servante de Dieu. Moi que vous voyez, je voulais être pilote. Et je voulais aussi être médecin. Je disais, j'aurais deux doctorats dans la vie. Pilote d'avion, parce que j'aime trop les avions. J'aimais. Et j'aimerais aussi être chirurgien, cardiologue. Mais je n'ai rien compris dans le processus de Dieu. Les choses que je voulais, Dieu ne me l'a pas donné. Pas parce que, en fait, ma vision était trop limitée. Ma vision était trop petite. Elle était, oh, quand j'aime les anglais, you have the small minded. Tu as une vision limitée, une vision tellement petite. C'est-à-dire que là où Dieu te voit, c'est tellement grand, c'est tellement haut, c'est tellement élevé que toi-même tu ne comprends pas. C'est pourquoi hier on a dit, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Et à un moment donné, j'étais en train de me lamenter un peu. Seigneur, regarde, j'ai tout abandonné pour toi. Je voulais être cardiologue. Je voulais être pilote parce que j'aime voyager. Je voulais voir le monde entier. Mais ce que je ne savais pas, il était en train de me travailler en tant qu'argile pour me préparer à être non plus cardiologue selon les hommes, mais cardiologue de Dieu. Celui qui apporte la parole et qui guérit le véritable cœur. Parce que tu peux voir ton cardiologue, il ne guérira jamais les blessures de ton cœur. Ah, mais j'aimerais te parler du véritable cardiologue. Quand il vient, lui touche. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, regarde-moi deux fois. Dis-lui, regarde-moi deux fois. Écoutez, ça c'est la première chose. La deuxième des choses, j'ai voulu être pilote. J'ai compris que si j'étais si j'allais être cardiologue, je ne pourrais pas être pilote. Si je voulais être pilote, je n'allais pas être cardiologue. Maintenant, il a fait en sorte que ce cardiologue spirituel commence aussi à voyager dans le monde entier. En fait, tu n'as pas encore compris. C'est-à-dire qu'il a fait de moi un peu. Donc, je ne suis plus aux commandes de l'avion, mais je suis assis, mais on me conduit partout. Oh. C'est-à-dire, les deux visions se sont réalisées. Et je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est encore que le début du commencement. Parce qu'hier, j'ai eu un homme de Dieu. Je lui dis, écoute, je suis trop fatigué d'attendre trop longtemps dans les aéroports. Avec le décalage, j'ai maintenant besoin d'un jet. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? J'ai besoin d'un jet privé. En fait, si tu ne crois pas, c'est ton problème. Le problème, c'est que tu regardes à tes moyens. Mais moi, je regarde les moyens du divin. Oh, je demande les moyens du divin. Potier. Regarde-le encore. Viens dans les yeux. Dis-lui, regarde-moi deux fois. Bien. Je voulais te réveiller un peu. Continuons. Et l'argile que Jérémie a vue représente deux choses. D'une manière générale, l'argile représente l'homme tiré de la poussière de la terre. D'une manière générale, il représente l'homme tiré de la poussière de la terre que Dieu a formé à son image et à sa ressemblance. La Bible nous enseigne que Dieu, au commencement, avait un rêve, une vision. Après avoir créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, on arrive le sixième jour, Dieu dit, il pense, il s'assied, il a un son, plutôt un rêve, une vision. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout. Donc Dieu a pensé chercher l'argile pour façonner un être qui lui ressemble, différent de tous les êtres qu'il avait déjà créés. Ça, c'est merveilleux. Et dans Genèse chapitre 2 que nous venons de lire, la Bible déclare que maintenant, comment Dieu va procéder? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'homme est parmi les rares créatures où Dieu a quitté son trône. Il est venu avec ses mains, il s'est sali les mains. Il a cherché l'argile partout, il a trouvé l'argile. Il a façonné un être que tu es, l'être que tu es. Je parle de toi, l'être que tu es. Regarde avec les deux yeux, regarde ton nez, regarde ta morphologie, ta bouche, tes bras, tes pieds. Regarde quand tu marches, regarde ta démarche. Alléluia. Il dit, je veux le créer à mon image. Et puis il souffle, il devient une âme vivante. Et le verbe formé ici vient de l'hébreu yatsar. Yatsar qui signifie façonner. Dieu façonna l'homme. Yatsar signifie aussi fabriquer comme un potier. Donc l'homme a été fabriqué comme un potier par le divin potier qui est Dieu lui-même. Fabriqué d'une manière, je dirais, très soigneusement, avec exactitude. Imaginez un peu que ton pied était à la place du cou. Il y aurait un problème. Donc tel que tu as été mûrement réfléchi dans la pensée de Dieu. Et ça pour un but. Alléluia. Alléluia. J'ai souvent l'habitude de dire que personne ne te dise que tu es moche. Parce que tu es beau. Et tu es belle. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je dis à quelqu'un qui de fois se sous-estime, qui pense que la beauté c'est pour les autres. En réalité, tu es beau pour une seule personne. Vous pouvez dire, le pasteur, il a une grosse tête, mais c'est pas à toi, c'est à ma femme. Alléluia. Donc ne sois plus complexé. Regarde ton voisin, dit, ne sois plus complexé. Il y a des injures, quand on t'injurie ou on t'insulte, tu as envie de disparaître. Non. C'est la personne qui n'a pas compris que tu es spécial. L'œuvre de la créature, de la création divine. Amen. Et cette formation quand je faisais des études, j'ai compris qu'elle se faisait aussi par la pression. C'est comme si Dieu pressait l'homme pour le former. Et ça, on verra ça dans les jours qui viennent, comment Dieu procède dans la transformation, dans le changement. Il y a des pressions. Mais le but, c'est que l'être était magnifique. Et le matériau que Dieu utilise, c'est la poussière. Et le mot poussière dans l'hébreu, c'est afar. Poussière dans l'hébreu, c'est afar. Et afar signifie terre sèche. Afar signifie mortier. Afar signifie minerai. Afar signifie argile. Donc quand il disait que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, donc il forma à partir de l'argile. Afar. Et la poussière ici, c'est l'argile dont Dieu se sert pour façonner l'homme, un instrument qu'il veut choisir. Et dans la poussière, je gardais deux autres idées qui peuvent aussi nous aider. Deux idées de la poussière après la chute de l'homme. La poussière nous parle aussi, ou l'argile nous parle aussi de la fragilité de l'homme. Psaume 39 nous parle comment l'homme est fragile. Quand quelque chose qui est fragile, c'est quelque chose qui est faible. Quelque chose qui peut se briser facilement, se casser facilement. Quelque chose de délicat. Et tu es fragile. Le péché nous a fragilisés. Mais les mains du potier nous solidifient. Alléluia. La deuxième idée cachée derrière le mot poussière, nous voyons le caractère passager de l'homme. C'est-à-dire, tu es passager, tu es de passage. Genèse chapitre 3, verset 19. Dieu dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Après avoir péché, pour dire que notre existence sur la terre est de courte durée. D'où l'importance de racheter le temps en se plaçant entre les mains du divin potier. Parce que la vie ne s'écrit pas au brouillon, la vie s'écrit au propre. Il y a une denrée rare qu'on ne peut jamais rattraper, c'est le temps. Et on en parlera. Donc, place-toi entre les mains du divin potier. Tu vas gagner beaucoup de choses. Et lorsqu'on est vulnérable, on est sans défense, on est fragile comme la poussière entre les mains du divin potier, le Seigneur nous rend fort. Et bizarrement, vous allez comprendre que le diable, Satan, avait déjà été précipité sur la terre. Parce qu'il a été précipité avant la création de l'homme. Il avait déjà foulé la terre. L'argile était déjà foulée. Mais Dieu a voulu confondre Satan en créant un être qui allait avoir la domination sur lui. Tu n'as pas encore bien compris. C'est-à-dire, les choses que le diable des fois est en train d'écraser, de fouler, la même personne, Dieu va te prendre et Dieu va te façonner pour que tu deviennes maintenant un instrument qui va écraser demain Satan. Il dit afin qu'il domine. Or ce sont les grands qui dominent. À cette époque-là, quand Dieu créait l'homme, Satan était sous les pieds d'Adam. Il était sous ses pieds. Donc le plan de Dieu, c'est que tu marches sur les serpents, que tu marches sur les scorpions et que tu marches sur toute la puissance de l'ennemi. Ça, c'est le plan du divin potier pour l'argile. Deuxièmement, l'argile représente aussi le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël avec qui Dieu a fait alliance. Et nous sommes dans le livre de Psaumes au chapitre 100, le verset 3. Dans Psaumes 100, verset 3, Dieu dit, « Sachez que l'Éternel est Dieu et c'est lui qui nous a fait. » Nous lui appartenons et nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Il dit, nous sommes son peuple. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Nous sommes son ouvrage, bien-aimé dans le Seigneur. En tant qu'argile, l'argile représente ici le peuple de Dieu. D'abord Israël, qui était le peuple de Dieu selon la chair. Mais pas seulement Israël, mais aussi le peuple de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 20 nous dit, Éphésiens 2, verset 20, nous parle de l'église qui est devenue le peuple de Dieu. Il est dit ceci, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous sommes son œuvre. En Jésus-Christ, il n'y a ni juif ni grec, nous sommes tous le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu s'est mis à part, qui doit censé publier ses louanges chez nous l'argile. Et en tant qu'argile, en tant que peuple de Dieu, nous sommes aussi vulnérables. Pour que nous puissions avoir toujours la victoire, nous devons nous placer entre les mains du divin potier. C'est pourquoi je donnerai raison à Jésus. Lorsqu'il part dans Jean 10, il dira, le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne les ravira de la main de mon Père. Si tu viens à Jésus, sache que tu te places entre les bonnes mains. Plus personne ne pourra t'attaquer. Il dit, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que l'argile, peuple de Dieu, tu te places entre les mains du divin potier. Tu es fragile parce que tu es venu à Jésus avec des problèmes, des blessures, de rejet, avec tous ces problèmes qu'on rencontre dans le monde, d'abandon, tous ces problèmes que nous rencontrons, des maladies, des difficultés. Chacun de nous vient à Jésus dans une circonstance bien précise. Nous ne venons pas tous de la même manière parce que nous étions comme faibles, écrasés par l'ennemi. Et quand nous venons à lui, lui nous redonne la forme. Alléluia. Alléluia. Une caractéristique de l'argile, c'est que l'argile n'a pas la valeur aux yeux des hommes. En tant qu'argile, tu es sale. En tant qu'argile, tu n'as pas d'importance. Pourquoi? Parce que souvent l'argile, on le retrouvait dans des rivières, à côté des rivières, dans des rochers, ou encore dans la boue, dans la saleté. Et le Seigneur est descendu dans la saleté pour te chercher. Il est descendu là où tu es pour te prendre. C'est la raison pour laquelle il ne te voit pas comme tout le monde. Dieu a un regard différent sur l'argile. Aux yeux des hommes, tu peux paraître sans valeur. Mais aux yeux de Dieu, Dieu regarde. Il te dit, tu as de la valeur à mes yeux. Dieu est le seul, la seule personne, le divin potier, qui peut donner un sens à la vie d'une personne, qui peut donner de la valeur à la vie d'une personne. La valeur d'un homme ne dépend pas de ses biens, mais ça dépend de Dieu qui donne la valeur à une personne. Tu n'es rien sans Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es rien sans Dieu. Non, tu peux lui répéter, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont quelque chose. Ah, tu n'es rien, absolument. Moi que vous voyez, zéro poussière. Je suis les signes de sous les yeux, comme ça, zéro. Et les soins providentiels de Dieu en tant que divin potier vont se manifester dans le fait qu'il va venir dans la saleté. Le Seigneur vient nous chercher dans la saleté. Il dira lui-même, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il ne vient pas chercher ceux qui ne sont pas perdus. Il vient chercher et il vient sauver ceux qui sont perdus. Psaume chapitre 119, plutôt 113, psaume 113 verset 7 à 8, la Bible dit, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il retire l'indigent et le fait asseoir avec les grands de son peuple. Donc le problème ce n'est pas être l'argile dans la saleté, dans la boue. Le problème c'est que quand Dieu regarde, il cherche, il dit, ah j'ai trouvé quelque part là-bas, j'ai trouvé à Goma un certain Stone. Ah, alors que tout le monde le méprisait, tout le monde ne le connaissait pas, Dieu dit, voici j'ai trouvé. Quelqu'un ne m'a pas bien saisi. Je suis encore un peu flou, tu vas comprendre tout à l'heure. Dieu dit, j'ai trouvé. Et quand il dit j'ai trouvé, il te trouve où? Dans la poussière. Il te trouve où? Dans la saleté. Il te trouve où? Dans les mépris. Mais il ne te laisse pas là. Il te prend et il te fait asseoir avec lui dans la grandeur. C'est-à-dire, nous sommes en tant qu'argile, en tant que poussière, appelés à nous asseoir dans la grandeur. Et laissez-moi vous dire, la grandeur ne vient pas de l'occultisme. La grandeur ne vient pas du monde. C'est la grandeur vient de Dieu. Quand Dieu a appelé Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui, beaucoup de gens se battent pour rendre leur nom grand en écrasant les autres, en tuant les autres, en méprisant les autres. Je n'ai pas besoin de casser l'autre pour être vu. Je n'ai pas besoin de marcher sur les autres pour que je sois acclamé. Au temps marqué, quand le temps de Dieu va sonner, ah, Dieu dira, maintenant, je vais te faire asseoir. Je suis venu te dire, Dieu va te prendre de là où tu es. Il dit quoi? Je ferai de toi la tête. Il n'a pas dit toi-même tu feras de toi. Il dit moi Dieu, je quitte le ciel, Je descends sur la terre. Je viens dans ton quartier, dans ta petite ruelle là, dans ta maison. Je te prends et je fais de toi maintenant la tête. Je suis en train de voir ici, dans la jeunesse, des gens qui vont devenir des têtes, des gens qui vont devenir des cerveaux, des gens qui vont devenir des hauts placés, des hauts dignitaires, des gens de valeur. De la poussière, il retire le pauvre et il les fait asseoir avec les grands de son peuple. Pas les grands de ce monde. Les grands de ce monde sont dans des choses bizarres. Mais les grands de son peuple. C'est-à-dire, tu vas t'asseoir à la même table qu'Abraham. Tu vas t'asseoir à la même table que Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu devient plus grand que lui. Donc je vois déjà Dieu te préparer à la grandeur. Pourquoi? Parce qu'il dit tu es mon choix. Tu es mon choix. Hier je parlais du divin potier. Aujourd'hui je parle de deuxième étape. La deuxième étape plutôt. Et la deuxième étape c'est le choix. Et c'est Dieu qui choisit. Il y a plusieurs sortes d'argile. Mais Dieu ne destine pas toutes les sortes d'argile à la même fonction. Nous sommes nombreux. Si tout le monde attend de devenir pasteur, tu passeras à côté. Parce que Dieu ne veut pas que toute l'église soit des pasteurs. Si nous tous nous sommes pasteurs, on va perdre qui? Bon, tu n'as pas répondu. Bon. Alléluia. Donc, il y a des argiles qui sont destinés à être des hauts dignitaires comme Daniel. Tu peux avoir la parole, l'onction, mais Dieu te destine à être quelqu'un de levé dans la position, dans la société. Il y a des argiles qui sont destinés à être des serviteurs de Dieu, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes. Il y a des argiles dans la main du potier qui sont destinés à devenir des grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires. C'est-à-dire que tu peux commencer petit, mais Dieu te voit déjà grand. Il y a des personnes qui sont appelées, des argiles qui sont appelées à devenir des architectes comme Paul. Il y en a même qui sont devenus, qui sont appelés à être des médecins comme Luc, ayant la parole, mais servant aussi. Et il faut comprendre dans quoi Dieu m'appelle, dans quoi Dieu me destine. L'argile, l'instrument du choix de Dieu. Alléluia. Regardez quelques pensées qui concernent l'argile. Premièrement, l'argile n'est pas, ne choisit pas le potier, mais c'est le potier qui choisit l'argile. Ne dis pas à Dieu, fais de moi ceci. Mais dis plutôt à Dieu, je veux être ce que tu veux que je sois. Ce n'est pas pareil. Fais de moi ce que tu veux. Et là, tu rentres dans la vision de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Le choix de Dieu en faveur de l'argile, c'est d'abord manifesté du fait qu'il nous a fait en tant qu'argile une race humaine. Ça, c'est le choix de Dieu. Je me suis posé la question. Bien aimé, je ne sais pas si des fois vous réfléchissez. Qui a demandé la permission à Dieu pour venir au monde? Lève la main. Ah, je vois une main là-bas. Ok, non. Qui a demandé la permission? Je vais naître. Personne. Tu t'es retrouvé. Tu n'as pas choisi ta famille. Tu n'as pas choisi tes parents. Tu n'as pas choisi ton pays. Tu n'as pas choisi la couleur de ta peau. Tu n'as pas choisi toutes ces choses, ton sexe, ta taille. Tu t'es retrouvé. C'est-à-dire, c'est le choix de Dieu de l'argile que tu existes. Et ta présence ici à Goma n'est pas un hasard. Parce que toi, tu penses que pour réussir, il faut seulement aller loin en Australie. Qui t'a dit ça? En France, il y a des vrais clochards. Il y en a. Ah oui, oui, oui. La réussite ne dépend pas d'un lieu géographique. La réussite dépend d'abord, est-ce que tu es l'argile entre les mains du potier? Alléluia. Et tu peux adorer Dieu, dire, oh Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as créé un homme. Tu pouvais te créer moustique. Il pouvait te créer chien ou cafard. Il pouvait te créer une chèvre. Mais il a permis que tu ne viennes pas comme une chèvre, pas même comme un singe. C'est pourquoi je ne crois pas trop à ces théories-là. Oh, théorie de l'évolution. L'homme était d'abord un singe. Avec le temps, il a évolué. Mais pourquoi on n'évolue plus? Mais il y a aussi des singes quand même, non, dans la savane. Je ne suis pas le produit de l'évolution. Ah non, je refuse ça. Je ne suis pas le résultat du produit de l'évolution. Je suis le fruit de la souveraineté de Dieu. Il a décidé que je vienne homme et je suis homme. Je te loue de ce que tu m'as créé. Tu m'as fait de moi une créature si merveilleuse. Le deuxième choix de Dieu, c'est que tu es dans la créature de Dieu, mais il t'a fait grâce de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 12 nous dit quoi? Tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là même qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lequel sont les noms du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le fait d'être enfant de Dieu, c'est un choix. C'est une grâce. Parce que nous avons été connus d'avance par Dieu. Et voici comment, le jour où la cloche a sonné dans notre cœur, on a donné notre vie à Jésus. Combien ont-ils entendu la voix, mais ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus? Donc le fait d'être un enfant de Dieu, c'est l'expression aussi, oui, du choix de Dieu. Oh, dis avec moi, je suis le choix de Dieu. Tu peux le dire encore fort, je suis le choix de Dieu. Et en tant que choix de Dieu, sache que Dieu t'a aimé le premier. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Comme il a dit aux apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui choisit l'argile. Adam n'a pas cherché à être créé. C'est Dieu qui est venu le choisir et l'a façonné. Amen. Et l'argile est aussi choisie par Dieu pour confondre le monde. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26 au verset 29. 1 Corinthiens 1, 26 à 29. La Bible nous dit ceci. Dieu a choisi les choses folles du monde. Dieu a choisi les choses que l'on méprise. Dieu a choisi les choses faibles du monde. Dieu a choisi les choses viles du monde et les choses qui ne sont point, qui n'ont pas de valeur, pour confondre les choses qui sont. Donc, quand Dieu t'a choisi, c'est pour confondre. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent vivre sans Dieu. Il y a comme au temps de Babel, les gens se sont dit, construisons-nous une ville et une tour dans le sommet touche au ciel. Dieu les a confondus parce qu'ils avaient des pensées contre que les pensées de Dieu. Mais quand Dieu a appelé Abraham, Abraham a été suscité pour confondre le monde. Donc être un choix de Dieu, l'argile, c'est dans le but de confondre le monde. Je suis venu te dire, tu vas confondre les pensées que les gens disaient. Toi, tu ne réussiras pas. Toi, tu n'avanceras pas. Toi, tu n'iras pas de l'avant. Tu vas confondre ça parce que tu es le choix de Dieu et tu es l'argile. Ah, dans notre famille, on meurt avant 40 ans. Toi, tu vas dépasser 70 ans. Oh, dans notre famille, on a dit qu'on ne se marie pas. L'arrière-grand-père avait vendu la famille pour avoir beaucoup de richesses. Il a fait des pactes avec Satan. Mais ce que je sais, quand Jésus est venu, le sang de l'agneau m'a purifié, m'a lavé, m'a nettoyé. Et je suis devenu un enfant de Dieu, la propriété de Dieu, l'héritage de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Donc je vais confondre. Oh, je déclare prophétiquement, vous allez confondre les pensées des hommes. Vous allez confondre ce que les gens haut placés de ce monde disent à votre encontre. Moi, les gens ont déclaré, il ne va pas avancer, il n'ira pas de l'avant. Mais aujourd'hui, honte à eux. Dis à ton ami, honte à eux. Je me pose la question, mais sur quelle base Dieu choisit l'argile? Sur quelle base? Je retiens deux bases. Deux bases fondamentales du choix de Dieu, du divin potier. Par rapport à l'argile. La première base, le choix de Dieu est fait sur la base de sa miséricorde et de sa compassion. Je disais la miséricorde de Dieu et la compassion de Dieu. Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. En d'autres termes, le choix de Dieu ne dépend pas de la volonté de l'homme. Mais c'est Dieu lui-même qui décide. Il dit non, je te choisis et je veux te faire du bien. Oh. Ça j'aime. La miséricorde de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'on l'adore, on doit chanter en disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Tu dois te rappeler que si tu es vivant, ce n'est pas que tu as des choses plus que ceux qui meurent. Ceux qui meurent par des balles, ceux qui meurent par la maladie, ceux qui meurent avant le temps, tu n'as rien de plus qu'eux. Ce n'est que sa miséricorde dans ta vie. Et à cause de ça, je l'adore. À cause de ça, je l'acclame. À cause de ça, je l'élève et je le loue. Sa miséricorde. Il dit, je fais miséricorde. À qui je fais miséricorde? Et nous avons un exemple frappant dans le livre de Romains, chapitre 9. Si vous lisez Romains 9, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, on nous parle ici de Rebecca, qui était la femme d'Isaac. Elle était enceinte après un long moment de stérilité. Et la Bible dira que pendant qu'elle était enceinte, les deux enfants dans le ventre étaient en train de se battre. Vous imaginez les jumeaux dans le ventre en train de se battre. Ils se précipitaient quoi? On ne sait pas. Ils se battaient. Il y avait une lutte interne à l'intérieur. Et quand Rebecca pose la question à Dieu, mais qu'est-ce que cela signifie? Dieu lui donne une prophétie. Dis à ton ami, une prophétie. Tu auras besoin de la prophétie, tu comprendras tout à l'heure, car c'est ça qui va conditionner ta vie. C'est ça qui va conditionner ton changement. Ce n'est pas ton présent, mais c'est ta prophétie. Dieu lui dit, il y a deux nations dans ton ventre. Et ces deux nations, de ces deux nations, lorsqu'ils vont sortir, le plus grand, l'aîné, sera assujetti au cadet, au plus petit. Et Dieu dira par la suite, j'ai choisi Jacob et j'ai haï Ésaü. Mais je me suis posé la question, sur quelle base Dieu va-t-il choisir l'un de deux? Parce qu'ils ne sont pas encore sortis du ventre. Ils ne connaissent ni le bien ni le mal. Ils n'ont rien fait de mal. Mais le problème est lequel? C'est que Dieu est prophétique. Dieu voit déjà l'avenir avant que les choses se réalisent. C'est pourquoi avant que les choses n'arrivent, tu dois déjà commencer à te préparer, parce que tu es en train de frayer le chemin pour que l'argile que tu es soit transformée à l'image du potier, pour que demain tu sois grand. Dieu savait déjà qu'Ésaü serait profane. Dieu savait déjà qu'Ésaü allait vendre son droit d'aînesse à cause du potage des lentilles. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de vendre leur droit d'aînesse. Ils sont en train d'aller chez le roi pour être oindre par le roi, alors que ce sont les prophètes qui oindent les rois. On va dans les palais pour rechercher des enveloppes. Non. Que ton argent périsse avec toi. La grandeur ne vient pas des enveloppes qu'on me donne. La grandeur vient de Dieu. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. La grandeur vient de Dieu. Aujourd'hui, on nous fait croire, pour être grand, il faut rentrer dans des loges, il faut rentrer dans la franc-maçonnerie. Enfin, ils sont des francs-maçons. Il faut rentrer dans la rose croix. Ils veulent une vie en rose avant la croix. Bien aimé, si tu veux une vie en rose, tu vas rejeter la croix. Et beaucoup rejettent la croix parce qu'ils veulent une vie en rose. Oh, là-bas, ça marche vite. Si tu veux réussir vite ta vie, viens là-bas. Entre là-bas et tu verras, tout ira mieux. C'est la rose croix. Mais nous ne sommes pas dans la rose croix. Nous sommes dans une croix rose. La croix rose, c'est quoi? C'est que nous commençons par la croix. Nous commençons par la petitesse, la boue. Mais nous ne terminons pas. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Et ils ont commencé dans la rose. Ils finissent en enfer. Mais nous commençons dans la boue. Ah! Et nous terminons dans les hauteurs. Regardez Jésus. On dit quoi de Jésus? On dit... Et on vous le regarde, ce Jésus qui existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même, il a pris la forme d'un serviteur. La Bible dira, il va jusqu'à s'humilier, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Même quand on t'écrase, je suis poussière, mais je ne resterai pas poussière. On l'a tué, il dit, j'accepte, ce n'est pas grave. Satan a voulu lui dire, si tu es fils de Dieu, descends. Il dit, c'est trop tard, je vais rester ici. Mais quand la main de Dieu vient, parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni du désert, ni des hommes, ce ne sont pas, oh, c'est pas les hommes qui élèvent, Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je veux parler à quelqu'un ici? C'est Dieu qui élève. Ah, la Bible dit, le troisième jour, sans le secours d'aucun homme, la pierre a été roulée. Jésus était ressuscité et il est assis à la droite de la majesté divine. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, accepte une vie de croix et tu finiras en rose. Regarde ton voisin, dis-lui, commence par la croix, tu termineras en rose. Y a-t-il des gens qui veulent terminer leur vie en rose? C'est pourquoi dis-lui encore, regarde-moi deux fois. Dis-lui, regarde-moi deux fois. Parce que ce qu'il est en train de voir aujourd'hui, il voit une vie, il est en train de voir une vie de la croix. Une vie où tu n'as rien. Je n'ai rien. Je n'ai pas de mariage. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas d'argent. Ça, c'est la croix. Le dépouillement, c'est le présent. Mais attendez quelques temps. Attendez quelques minutes. Attendez encore un peu. Je disais, quelqu'un attend encore un peu. Dieu t'amène quelque part. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Mais les Jacob, c'était des gens qui étaient dans la boue. Nom qui signifie usurpateur, voleur, menteur, rusé. Mais le problème, ce n'est pas l'étiquette qu'on t'a donnée. Le problème, c'est que dans le processus, tu vas lutter avec Dieu. Et Dieu va enlever. Et non seulement il enlève quelque chose de négatif en toi, il va déposer ce qui est en lui, de lui en toi. Et il te donne le nom d'Israël. Et Israël veut dire celui qui a lutté avec Dieu et qui est vainqueur. Et je suis en train de parler aux vainqueurs. Je ne parle pas de l'argile qui reste d'argile, mais je parle de quelqu'un qui est en train de vaincre, d'être emmené dans une dimension élevée. On ne te reconnaîtra plus. Je te parle prophétiquement. Après cette conférence sur le changement, ah, quelque chose est en train de se passer. Je te dis de la vérité. Je te parle de la vérité. Quelque chose est en train de se passer. La deuxième base, c'est la base de la grâce. Dis avec moi la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Le choix de Dieu, de l'argile, n'est pas faite sur la base des mérites. Ce n'est pas fait sur la base des qualités que tu as, des diplômes que tu as. Mais c'est fait sur la base de la grâce. Tu n'as rien mérité, tu n'as pas de droit, mais tu as trouvé grâce. Quand Dieu a envoyé l'ange auprès de Marie pour lui dire, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Vous savez, à cette époque, toutes les jeunes filles se préservaient. La plupart des jeunes filles se préservaient dans la virginité parce qu'elles attendaient l'accomplissement de la prophétie qu'Isaïe avait donnée. Et la vierge deviendra enceinte. Il y avait plusieurs vierges à cette époque-là. Il y avait plusieurs femmes belles à cette époque-là. Mais le choix de Dieu s'était posé sur une seule personne. Au milieu de tous ici, dans ton travail, vous pouvez être nombreux, mais j'aimerais te dire, le doigt de Dieu se place sur toi. Dieu te dit, tu as trouvé grâce. Et non seulement tu as trouvé grâce, Dieu te fera grâce. Je dis à quelqu'un, tu ne vas pas faire beaucoup d'efforts pour avoir des choses. La grâce de Dieu va amener les choses à toi. La grâce de Dieu va faciliter les choses. La grâce de Dieu va faire que les choses vont aller comme sur des roulettes. Oh, j'aime quand la grâce de Dieu vient dans la vie de quelqu'un. Quand Dieu dit tu as trouvé grâce, et quand Dieu te dit il te fait grâce, cela veut dire il amène toutes choses vers toi. Jésus n'a pas demandé aux mages de venir apporter des richesses. Il était juste né. J'aime quand Jésus naît quelque part. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Lorsque la grâce naît quelque part, lorsque Jésus naît quelque part, il y a des mages qui sont en route. J'aimerais te dire, il y a des gens déjà qui ont des richesses qui sont en route vers toi. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a des gens qui sont en route vers toi et Dieu te dit, ah, le moment est en train d'arriver. Où tu vas toucher la grâce que je t'ai préparée. Dieu te fera grâce. Dans cette année de changement, beaucoup de choses vont changer. Croyez-moi, beaucoup de choses vont changer. Si vous appliquez la parole de Dieu, beaucoup de choses, vous allez les voir. Ça va changer. Ça va changer. J'ai dit ça va. Oh, dis encore avec moi, ça va. Dis encore, ça va. Et la grâce, comme c'est immérité, tu n'as pas... Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils méritent des choses de Dieu. Nous autres, là, nous... Regarde les femmes comme nous, la beauté comme ça. On mérite des bons maris. Qui t'a dit ça? Si tu es marié, c'est la grâce. Ah oui. Ah, les gens comme nous, regardez notre carrure. Nous, on mérite de travailler dans les bureaux. On ne peut pas aller balayer la route. Qui t'a dit ça? Si tu es dans les bureaux, c'est la grâce. Il y en a même qui donnent des ultimatums à Dieu. Cette année, on a dit c'est le nouveau départ. Si en décembre, je ne vois rien, je ne prie plus. Oh! Je ne viens plus à l'église. Oh! Donc tu donnes l'ultimatum à Dieu. Écoute, avec ou sans toi, Dieu reste Dieu. Il ne change pas parce que tu existes. Donc, il y en a même qui donnent des ultimatums, pasteur, comme vous savez, tu as donc, ok. Tout est grâce. Si tu as, c'est la grâce. Si tu n'as pas, c'est la grâce. Mais celui qui n'a pas peut dire, Seigneur, fais-moi grâce d'avoir et il te donnera. Ne pense pas que c'est un droit. C'est une grâce. Il y en a aussi qui ont tellement reçu des choses. Ils deviennent orgueilleux. Parce qu'il a une petite Jeep. Il marche avec la clé comme ça. Tout le monde doit savoir qu'il est entré. Et quand il donne les offrandes, il doit sortir le plus gros billet, $100. Et devant tout le monde, il danse. Mais non, mais mon frère, tu es un pauvre misérable. Tu veux montrer quoi? Que tu es un? Nous avons l'onction. Nous comprenons vraiment. Oh là là, les murs tremblent. Ah bon? Nous crachons le feu comme le dragon. Ah bon? Mais j'aimerais te dire, tout n'est que grâce. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de Dieu? C'est Dieu qui a décidé que tu aies ce que tu as. Que tu possèdes ce que tu as. C'est lui. Donc s'il décide de l'enlever, il va l'enlever. Donc chaque jour, si tu as dit merci pour ta grâce, merci parce que tout n'est que grâce. Alléluia. Le choix de l'argile est basé sur la grâce. Dis encore avec moi la grâce. Pendant que je termine, je vais parler de deux exemples rapidement des instruments que Dieu a utilisés. Le premier instrument, nous avons vu, c'est dans Psaume, chapitre 89, c'est David. Il y a plusieurs exemples. Bien-aimé, le roi Saül était rejeté en Israël et Dieu se cherchait un autre roi. Il est étonnant de voir que Dieu cherche aussi. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des vrais adorateurs. Ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas les boudeurs. Dieu ne cherche pas les gens qui veulent se faire, voilà, ils font maintenant du ministère, le business pour avoir des milliards. Tu seras rejeté par Dieu. Ok, je parle à quelqu'un. Alléluia. Dieu cherche des vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Mais Dieu cherche aussi, il y a des postes vacants. Mais Dieu est en train de chercher, qui est-ce que je veux mettre là? Saül n'est plus, mais il y a beaucoup de gens. Mais Dieu cherche un véritable vase, une véritable argile qui sera destinée à un rôle bien précis. Et Dieu dit, j'ai trouvé David. Oh! Dieu, le créateur du ciel et de la terre, trouve un homme. Oh, j'aimerais te dire, Dieu est en train de chercher quelqu'un ici, aujourd'hui. Pendant cette conférence, il est en train de chercher quelqu'un qui veut apporter le changement, pour apporter un nouveau vent. Bien-aimé, quelqu'un même qui peut être élevé dans une position que vous ne pensez même pas. Dieu cherche un missionnaire qui peut envoyer dans un coin, qui va faire un grand travail. Dieu est en train de chercher. Et il dit, j'ai trouvé. Et à ton voisin, Dieu lui dit, dis-lui, Dieu te dit, je t'ai trouvé. Le prophète Samuel arrive dans la maison d'Isaïe avec sa corne d'huile. Je peux avoir une petite bouteille d'eau, s'il vous plaît? Ah, ok. Il quitte Rama, il arrive à Bethléem et dans la maison d'Isaïe avec un mandat, avec une mission de oindre le futur roi, l'argile. Et il dit à Isaïe, présente-moi tes enfants. Le premier vient, comment il s'appelait? Eliab. Robuste, costaud, bien battu, bien musclé. On croirait vraiment un homme de guerre, un général. Il arrive là. Général d'apparence, mais dans le cœur, un petit caporal. Parce que, on verra, Le choix de Dieu n'est pas basé sur les apparences. Ah, nous autres comme ça, on devait nous élever à l'église. Hein? Tu n'as pas un bon cœur, on va t'élever pourquoi? Tu es rebelle, on va t'élever pourquoi? Ok, j'ai parlé à quelqu'un. Ok, j'ai parlé à quelqu'un. Ah! On connaît la réalité de l'église. Et il arrive. On présente Eliab. Même le prophète, celui qui a la révélation de Dieu, qui se trompe rarement, s'est trompé. J'aimerais te dire, les hommes se tromperont toujours de choix. Même les hommes de Dieu que nous sommes, nous pouvons nous tromper sur le choix. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe l'œil. L'homme regarde aux apparences, mais Dieu voit le cœur. Dieu voit un cœur d'argile qui va façonner, qui va tailler. Dieu ne veut plus des gens comme Saül, des rebelles. Dieu dit, je l'ai rejeté. Il y a des gens que Dieu est en train de rejeter parce qu'il n'attend que toi. Dans ton travail, tu vas avoir un poste élevé parce que le chef là, il n'est pas compétent. Il sera rejeté, c'est toi qu'on mettra là-bas. Je n'ai pas entendu toi, amen. Dans les affaires, on dira non, toi tu as beaucoup de compétences, c'est toi qu'on veut. Tu dois être là, l'autre là. Ah! Fous le camp. Le deuxième arrive. Comment? Abinadab. Il vient, il le regarde aussi, trompé. Il dit certainement c'est lui. Dieu lui dit non. Je l'ai rejeté aussi. Le troisième, Shama vient. Il dit non, lui pareil, je l'ai rejeté. Les sept fils arrivent. Lui, je l'ai rejeté. Parce que tous ces sept n'avaient pas trouvé grâce. Mais celui qui avait trouvé grâce était caché, était oublié, était méprisé. Il était derrière. Laisse-moi te dire, la grâce de Dieu te prendra là où tu es. Ce n'est pas parce que tu t'assois devant que Dieu va te qualifier. Tu peux être derrière. Oh, tu peux être le dernier de la famille. Dieu va te... Oh, je suis venu dire à quelqu'un, le temps où Dieu est en train de choisir, des instruments est en train d'arriver. Il te prendra de ta position. Oh non, moi je ne suis pas l'aîné. Quand Dieu est venu appeler Gédéon, Gédéon a dit quoi? Oui Seigneur, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Dieu ne regarde pas d'où tu viens, de quelle famille tu viens. Je suis le plus petit de ma famille. Dieu ne regarde pas ton rang. Parce que selon Dieu, l'aîné peut devenir le cadet peut devenir l'aîné. Jacob était le plus petit, mais il a eu le droit de naître. Tu n'as pas bien compris. David était le dernier. Il a dit, je ferai de lui le premier-né. My God. C'est-à-dire, le premier-né, c'est le fils aîné. Le premier-né reçoit aussi la double portion. My God. Donc, Dieu te prendra, non seulement de là où tu es, il va te mettre en avant. Je suis en train de voir des gens que Dieu est en train d'amener en avant, que Dieu est en train de préparer, que Dieu est en train de travailler. Et il dit, je ferai de toi le premier-né. Tu vas recevoir l'autorité. Dans ta famille, il n'y aura pas de décision sans toi. Même si tu es le plus cadet, on dira, attendons, il faut quand même qu'Antoine vienne. Antoine, viens un peu. Hein. On t'appellera. La grâce l'a localisé. Samuel a dit, allez le chercher. Dieu m'a dit qu'il a dépêché des Samuel. Il a dépêché des anges. Il a dépêché des prophètes pour aller chercher, dénicher. Allez voir l'argile, où est-ce que l'argile se trouve? Là où tu es, la grâce. Et on est venu voir David derrière le troupeau, calmement, doucement. C'est pourquoi la mission qu'on te donne, travaille calmement. Ne t'inquiète pas, ne cherche pas de grandes choses. Cherche à être fidèle, c'est tout. Quelqu'un, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Notre problème c'est quoi? Nous cherchons trop la grandeur, c'est pourquoi on meurt avant le temps. Le secret ce n'est pas de chercher la grandeur, mais de chercher à être fidèle. Parce qu'en étant fidèle, la grandeur te trouvera. Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera. Aïe, aïe, aïe, aïe, dans les grandes. Dans les petites choses, il ne savait pas que David avait déjà tué l'ours, il avait déjà tué le lion. Mais là-bas, pour aller là-bas, de l'autre côté, c'était Goliath. Mais si dans le secret, tu n'as pas appris à être fidèle, sérieux, tu n'as pas eu des victoires secrètes, comment veux-tu avoir une victoire publique? Vous qui aimez trop le public. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Beaucoup de gens, quand ils me voient, ils pensent que je suis un fou des rasas comme ça, tête en cloquant dedans. Non, 18 ans, frère. Dis à ton ami, 18 ans. Et ce n'est pas encore fini. Parce que ce que Dieu m'a montré, je n'ai pas encore touché. Je n'ai pas encore vu. Donc je suis en processus. Donc je suis l'argile entre les mains qui est en train de vous parler, parce que nous tous nous sommes dans le processus. La grâce te trouvera où tu es. Dieu te fera grâce. Je te dis de la part de Dieu, ce soir, Dieu te fera grâce. Où tu es, Dieu te fera grâce, parce que tu es le choix de Dieu. Dis encore avec moi, je suis le choix de Dieu. Dis, je suis le choix de Dieu. Quand Samuel a vu David, Dieu lui a dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui que j'ai choisi. Donc Dieu va déterminer que c'est toi qui l'as choisi. Et l'huile, j'imagine que Samuel avait essayé de oindre les autres, mais l'huile n'est pas sortie. Donc l'huile qui t'est réservée ne coulera jamais sur la tête de quelqu'un d'autre. Enfin, j'aimerais dire autrement. La bénédiction que Dieu t'a prévue, a prévue pour toi, personne ne va te voler. On a volé mon mari. Non, c'était pas à toi. Parce que si c'était à toi, Dieu va te donner. Parce que même s'il y a des choses que tu as perdues, mais c'était à toi, Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle. Pourquoi? Parce que c'est à toi. Et la sauterelle a dévoré, il va vomir. Oh, les choses que le diable t'a volées, il va vomir. Le poisson qui avait vomi Jonas, avait avalé Jonas, a vomi Jonas. J'aimerais te dire, les choses que le diable t'a volées, aujourd'hui, il va les vomir. L'onction ne tombera pas sur la tête de quelqu'un d'autre, mais sur ta tête. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Elle est à toi, pas à quelqu'un d'autre. Amen. Amen, amen. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est pourquoi tu as la promesse d'être l'argile. Tu as la prophétie que tu es l'argile à devenir quelque chose de meilleur. Qu'est-ce que tu dois faire? Attends le temps de Dieu. La Bible dit, attends. Quand tu entends la prophétie, écris la prophétie. Grave la prophétie sous les tables. Et lis-la couramment. Chaque fois que tu ne vois pas, tu dis, ok, je ne vois pas. La réalité, c'est ce que je vois. La vérité, c'est ce que la prophétie dit. Or, la réalité ne peut jamais changer la vérité, mais la vérité change toujours la réalité. Donc, attends-la. Elle marche. Je ne savais pas que la prophétie avait des pieds. Je disais à quelqu'un, je ne savais pas que la prophétie avait des pieds. Pendant que toi aussi, tu es en train de marcher, tous les dimanches, toutes les conventions, tu es là, tu marches. Et de l'autre côté aussi, ta prophétie est en train de marcher. D'ici quelques temps, vous allez vous embrasser. Je dis à quelqu'un, ta prophétie va se réaliser au nom de Jésus, parce qu'elle marche vers ton bien. Alléluia! Est-ce que je peux finir? Ah, il va être l'heure. Deuxième cas que j'aimerais parler, le cas de Paul. Saul de Tarse. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui était connu comme un meurtrier, un assassin comme Moïse, il avait un très mauvais témoignage. Il avait un passé très lourd. Il avait des antécédents, un casier judiciaire compliqué. Le problème, c'est la boue. Mais quand Dieu va te prendre avec ta situation, il ne te laissera pas pareil. Le jour où il a eu le contact avec le Seigneur, cette lumière qui est venue, Dieu parle à Ananias. Il dit, va, tu dois prier pour lui parce que cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois, les nations, etc. Donc, quand je lisais la Bible, je me suis un peu arrêté. C'est cette nuit. J'ai commencé même à être secoué. J'ai dit, oh, c'est pas possible. Donc, Galates chapitre 1, le verset 15, Paul dit ceci. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, d'accord, et qui m'avait appelé par sa grâce. Donc j'ai compris que Paul de Tarse, cet assassin, était déjà mis à part dès le sein de sa mère et appelé déjà par sa grâce dès le sein de sa mère. J'ai dit, mais tiens, cela veut dire qu'il y a des gens qui sont encore dans des bars, mais qui sont des instruments de Dieu. Il y a des gens de mauvaise vie. C'est pourquoi ne regardez pas les gens avec le regard des hommes. Que Dieu, oh, lui, c'est un soulard. Attention, un soulard qui peut demain être rempli du Saint-Esprit plus que toi. Parce qu'un soulard connaît l'ivresse. Donc quand l'ivresse de l'esprit vient, il comprend aussi que ça, c'est l'ivresse de l'esprit. Alléluia. Oh, je disais, alléluia. Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer ta destinée. Dieu va faire de toi un instrument. Alors que Ananias avait peur, tout le monde avait peur d'aller vers lui. Dieu dit, je l'ai choisi. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu t'a choisi. Dis-lui, Dieu t'a choisi pour être un instrument de sa grâce, un instrument que Dieu va utiliser pour confondre les hommes. Qu'est-ce que Paul n'a pas fait? Ce que Paul a fait, aucun des apôtres n'a fait. Cela veut dire que ton passé s'arrête maintenant et ton futur glorieux commence maintenant. Ton futur seulement sera tellement glorieux qu'il va effacer toute la honte du passé. J'aimerais parler à quelqu'un qui a eu honte hier. Hier, c'est hier. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. La lumière de Christ s'apparaît et la gloire de Dieu te touche. Le Seigneur vient, il te choisit et il veut faire de toi un instrument. Oh, tu deviendras un instrument de louange. D'autres seront un instrument comme Daniel, qui seront des présidents, des rois. Alléluia, qui seront élevés en dignité. Dieu va t'utiliser. Mais le problème, c'est quoi dans tout ça? Le problème, c'est que pour que cet argile soit transformé, on parlera de transformation depuis de demain, il faut qu'il s'abandonne entre les mains du potier. Et c'est là où toute la différence se fait. Le problème avec nous autres qui acceptons le changement et les autres qui ne veulent pas accepter le changement, c'est qu'ils ne veulent pas laisser Dieu les travailler. Viens à Jésus tel que tu es, mais ne reste pas tel que tu es. Tu viens tel que tu es, mais lui te change, lui te transforme. Alléluia, alléluia. Beaucoup ont rejeté être le choix de Dieu. La Bible nous parle de Saül. Il a préféré être entre le potier. Quel potier? Le potier du peuple. Le choix du peuple, il a été rejeté. Jéroboam, choisi par Dieu, il a rejeté la transformation. Pourquoi? Il s'est mis entre les mains du potier de l'idolâtrie. Il a été rejeté. Judas a refusé d'être utilisé par Dieu. Pourquoi? Il s'est mis entre le potier de l'argent, de la quête de l'argent. Il a été rejeté. Mais ce soir, Dieu me dit de lancer juste deux appels rapidement. Si nous pouvons nous tenir debout tous, toutes les personnes qui sont là et qui savent qu'ils n'ont jamais donné leur cœur à Jésus. Tu es là, jeune, peut-être que tu viens à l'église, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et tu aimerais le faire aujourd'hui parce que Dieu te pointe et Dieu te choisit. J'aimerais que tu approches ici, de là où tu es. Nous sommes debout, rapidement. Viens rapidement, à cause du temps, je dois finir. Viens rapidement. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu veux le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, viens. Viens ici devant, viens ici devant, viens ici avec moi. Alléluia. Alléluia. De là où tu es, s'il te plaît, viens. Viens. Parce que Dieu te choisit et il veut faire quelque chose de grand avec toi. Il veut faire quelque chose de glorieux avec toi. Ok. Alors, levons tous nos mains. Et nous allons dire à Dieu, fais de moi un instrument. Alors qu'il s'avance tranquillement, calmement, demander à un responsable de pouvoir s'occuper d'eux. Dans la prière. Je ne suis rien sans grâce. Alléluia. Je ne peux rien sans grâce. Ta grâce me suffit. Je ne suis rien. Je ne suis rien sans grâce. Je ne peux rien sans grâce. Ta grâce me suffit. Hallelujah. Je ne suis